الحمد لله الغفور الرحيم التواب الحكيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه السراج المنير صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تعالى فإن تقواه جل وعلا سعادة الدنيا والآخرة وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله Croyants, croyantes, serviteurs et servantes d'Allah, faites preuve de taqwa vis-à-vis d'Allah Ta'ala, car certes, faire preuve vis-à-vis d'Allah Ta'ala, c'est le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et la taqwa d'Allah Jalla wa'ala, c'est le fait de mettre entre soi et la colère et le châtiment d'Allah un bouclier, un rempart. Et ce rempart, c'est de mettre en application les ordres d'Allah sur une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire avec science et clairvoyance, dans l'espoir de la récompense d'Allah. Et de délaisser les interdits d'Allah sur une lumière venant d'Allah par crainte du châtiment d'Allah. Ayyuha al-mu'minuna ibadallah, inna falah al-mar' wa sa'adatahu bita'atihi li sayyidihi wa mawlah wal bu'di an kulli ma yuskhituhu jalla wa ala wa kulli ma yubghiduhu wa ya'ba. Croyants et croyantes, serviteurs et servantes d'Allah, la réussite de la personne et son bonheur passe par le fait d'obéir à son maître et à son seigneur Allah, et par le fait de s'écarter de tout ce qui le met en, colère, Jalla wa Ala, qu'il déteste et qu'il refuse. Ibad Allah, wa lidhunub ala al-abd, adrarun khatira, wa awaqibun wakhima, fi dunyahu wa ukhra. Serviteurs et servants d'Allah, les péchés causent de graves dommages et ont des conséquences fâcheuses pour la personne ici-bas et dans l'au-delà. Et à tout moment, les prometteurs des péchés, les apôtres de la désobéissance à Allah, et ceux qui incitent à commettre des fautes, ne cessent de tenter la personne. Ainsi, les gens sont tiraillés entre le fait d'être des prisonniers des péchés, obsédés par les désobéissances, et entre le fait d'être des serviteurs à qui Allah Jalla wa'ala a accordé le succès qu'il a aidé et qu'il a guidé sur sa voie droite et qu'il a préservé des méfaits ainsi que des calamités et des nuisances résultant des péchés. Et celui qui réussit, c'est celui à qui son Seigneur Jalla wa'ala accorde le succès et qui l'aide. Ayyuha al-mu'minun, wa fi hadhihi al-waqfa, tanbihun ala ashrati mashahidi azima, idha wufiqa قلب المسلم لشهودها وكانت حاضرة في قلبه وكان مستحضرا لها كان فيها بإذن الله جل وعلا أكبر عون الله للوقاية من الذنوب والسلامة من شرورها والبعد بإذن الله تبارك وتعالى عن الوقوع فيها. Croyants et croyantes, nous allons à présent attirer l'attention sur 10 mises en situations importantes. Si le cœur du musulman réussit à les observer et à y penser, qu'elles sont présentes dans son cœur et qu'il s'en rappelle, il y trouvera alors la plus grande aide pour se préserver des péchés, pour être protégé de leurs méfaits et pour être loin de les commettre avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ayyuhal mu'minun, al-mashhad al-awwal, an yashhad al-qalb, ijlal rabbihi wa mawlah, alladhi yasma'uhu wa yarah. Croyants et croyantes, la première mise en situation, c'est que le cœur reconnaisse la grandeur de son Seigneur et de son Maître, qu'il entend, le voit et qu'il observe lorsqu'il commet ce qu'il lui a interdit. Si la personne se rappelle cette considération importante et cette situation bénie, alors cela l'empêchera de tomber dans le péché et de tomber dans la faute avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme il a été dit, celui qui connaît le plus Allah en aura le plus peur, voudra encore plus l'adorer et s'éloignera plus de sa désobéissance. N'oublie jamais qu'Allah te voit à tout moment. N'oublie jamais qu'Allah t'entend dans tout ce que tu dis. Même si tu es seul, dans la nuit, dans ta chambre, la lumière éteinte, tout ce que tu veux, dans n'importe quel moment, Allah te voit. Alors pense à cela quand tu vas être face à un péché que tu as envie de commettre, ou que tu es sur le point de commettre un péché, ou de prononcer des mauvaises paroles. Pense au fait qu'Allah te voit et t'entend. Pense au fait qu'Allah te voit et t'entend. Rien ne lui échappe. Quand tu vas commettre ce péché, tu te caches de tout le monde. Tu te caches de tout le monde. Par exemple, celui qui va faire zina, qui va faire la fornication. Est-ce qu'il le fait devant ses parents? Dans le salon, avec ses parents assis, il le fait devant eux. Est-ce qu'il oserait faire cela? Est-ce que l'un d'entre eux, nous, oserait faire cela? Personne ne le ferait. Celui qui le ferait, tout le monde dirait qu'il a un problème dans sa tête, qu'il a une déficience mentale. Nos parents sont-ils plus importants qu'Allah? Nos parents méritent-ils plus qu'on soit pudique vis-à-vis d'eux qu'Allah? Car quand on fait zina, Allah nous voit. Celui qui commet la fornication, Allah le voit à ce moment-là. Tu te caches de tout le monde et de toutes les créatures, mais tu ne te caches pas, ou tu n'as pas de pudeur plutôt vis-à-vis d'Allah, car tu ne peux pas te cacher d'Allah. Qui mérite le plus qu'on ne commette pas le péché devant lui et qu'on ait de la pudeur et de la honte? Allah ou nos parents? Est-ce nos parents qui nous ont créés pour qu'on les adore, ou c'est Allah? Est-ce Allah qui nous fera entrer au paradis ou nous jettera en enfer, ou nos parents? C'est Allah sans aucun doute. Donc il mérite plus que l'on fasse attention à cela et que l'on se préserve de commettre des péchés devant lui à son regard et de prononcer des mauvaises paroles alors qu'il les entend. N'oubliez jamais cela et pensez-y. Pensez au moment où vous allez commettre un péché, au fait qu'Allah vous voit et bi'idnillah vous délaisserez ce péché. Wal mashhadu thani ayyuha al-mu'minun shuhudu al-qalb hubbu Allah jalla wa ala wa tarku adh-dhunub wal bu'd 'anha والبعد عنها طلبا لهذا المقام العظيم والمطلب الجليل فإن المعصية والذنب أيها المؤمنون يفوت على العبد حظه ونصيبه من محبة الله جل وعلا بحسب ما وقع فيه من ذنب أو خطية. La deuxième mise en situation, croyant et croyante, que le cœur garde à l'esprit l'amour d'Allah جل وعلا, ce qui l'amènera à délaisser les péchés et à s'en écarter dans le but de parvenir à cette haute position et d'atteindre ce but majestueux. Car certes, désobéir à Allah et commettre des péchés croyants et croyantes fait passer la personne à côté de sa portion et de sa part de l'amour d'Allah Jalla wa Ala pour elle, en fonction du péché ou de l'erreur qu'elle aura commis. Qui d'entre nous ne cherche pas à être aimé d'Allah? Qui d'entre nous ne le cherche pas? On espère tous qu'Allah nous aimera, qu'il nous agréera, et que par sa miséricorde, il nous fera entrer au paradis. Tu veux qu'Allah t'aime? Alors suis le chemin qui t'y mène. Suis le chemin qui te mène au fait d'être aimé par Allah. Comme Allah a dit Ta'ala dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يَحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, et Allah vous aimera, et il vous pardonnera vos péchés. Donc, tu veux être aimé d'Allah? Suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écarte-toi de ce qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. C'est cela la voie menant à l'amour d'Allah. Tu aimes Allah, tu prétends l'aimer, prouve-le. Prouve-le en suivant ce qu'Allah t'a donné, t'a ordonné, et en délaissant ce qu'il t'a interdit. À ce moment-là, tu feras vraiment partie de ceux qui aiment Allah. Al-mashadu thalith wa ibadallah. Shuhudu ni'ma. La troisième mise en situation, serviteur et servant d'Allah, prendre conscience des faveurs et des bienfaits dont on bénéficie, dont Allah nous gratifie. Combien de bienfaits d'Allah azawajal descendent sur le serviteur, que ce soit au niveau de sa santé, de son corps, de sa famille et dans ses biens. Toutes sortes de bienfaits qui ne pourraient être ni recensés ni être dénombrés. Et la personne bienfaisante parmi les gens, et la personne bienfaisante parmi les gens, serviteurs et servants d'Allah, ne répond pas aux bienfaits par des méfaits. Au contraire, elle répond aux méfaits, elle répond aux bienfaits de son maître et de son souverain en lui obéissant et en s'écartant des fautes et du fait de lui désobéir. Allah nous gratifie de nombreux bienfaits, d'innombrables bienfaits qu'on ne pourrait compter. Est-ce raisonnable et normal de répondre à ces bienfaits en désobéissant à Allah, c'est-à-dire par des méfaits? Si, imaginons, tu as une personne que tu aides beaucoup, que tu aides beaucoup dans beaucoup de choses, à qui tu donnes beaucoup de choses, et en revanche, elle t'insulte. En revanche, elle va parler derrière toi, chez les gens. En revanche, elle ne t'aide jamais, au contraire, c'est elle qui te fait les problèmes, etc. Qu'est-ce que tu diras? Tu diras comme beaucoup, lui, laisse tomber, c'est bon. Je l'ai aidé, je lui ai fait ça, je lui ai fait ça, il n'a pas été reconnaissant. J'arrête là, qu'il prenne son chemin, je prends le mien, etc. Et parmi les bienfaits d'Allah, c'est qu'il continue à t'en octroyer. Malgré que tu sois, que tu ne sois pas reconnaissant envers lui, que tu répondes aux bienfaits qu'il t'a octroyés par des méfaits, en lui désobéissant ou en délaissant, en commettant des péchés ou en délaissant des obligations, lui, il continue à te donner des bienfaits et à t'en octroyer. Imaginons pareil un enfant. Tu t'occupes de lui de la meilleure des façons. Tu lui donnes tout ce dont il a besoin. Tu t'occupes de lui, tu le protèges et il grandit. Mais il ne fait que te désobéir. Il ne fait que faire ce que tu n'aimes pas. Ce que tu aimerais qu'il fasse, il ne le fait jamais. Est-ce qu'on va dire que cet enfant est un enfant reconnaissant? Jamais de la vie. Il en est de même pour nous. En commettant des péchés, nous sommes ingrats envers Allah. Nous sommes ingrats envers Allah. Donc on doit prendre conscience des bienfaits qu'Allah nous octroie pour nous amener à répondre de la meilleure des façons. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Inna a'taynaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar. On t'a certes donné al-kawthar, l'abondance. Alors Allah il dit quoi à ce moment-là? Fasalli li rabbika wanhar. Alors prie pour ton Seigneur et accomplis le sacrifice. On a dedans un bienfait qu'Allah a octroyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il lui donne la façon de le remercier pour ce bienfait. Prie pour ton Seigneur et accomplis le sacrifice. C'est comme cela que l'on se montre reconnaissant et que on peut montrer notre reconnaissance envers Allah en l'adorant et en accomplissant des bonnes actions et en délaissant les péchés. المشهد الرابع عباد الله مشهد الغضب والعقوبة وهو مشهد عظيم أن يذكر من دعته نفسه إلى معصية أو ذنب أو خطيئة أن الذنوب موجبة لغضب الرب جل وعلا وسباب لحلول العقوبات فما نزلت عقوبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة كما قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا أي بسبب خطيئاتهم ويقول جل وعلا فكلا أخذنا بذنبه. La quatrième mise en situation, serviteur et servant d'Allah. Pensez à la colère d'Allah et à sa punition que peuvent entraîner ce péché. C'est une mise en situation très importante que celui dont l'âme incite et pousse à désobéir à Allah, à commettre un péché ou une erreur, se rappelle que les péchés engendrent la colère du Seigneur جل وعلا et que ces péchés sont la cause de la descente des châtiments. Ainsi, il n'y a pas un châtiment qui descend sur une personne si ce n'est à cause d'un péché, châtiment qui ne sera levé que par le repentir. Comme Allah a dit dans le sens, à cause de leur faute, ils ont été noyés, puis on les a fait entrer au feu. C'est-à-dire, on les a fait entrer au feu à cause de leur péché. On les a noyés et on les a fait entrer au feu à cause de leur péché. Et Allah Jalla wa'ala a dit, nous saisîmes chacun pour son péché. Le péché que tu vas commettre aura une conséquence. Il aura une conséquence qui sera qu'un fléau ou une calamité ou une lourde épreuve te touchera. Donc pense-y au moment où tu t'apprêtes, où tu as l'envie de commettre ce péché. Pense aux conséquences de ce péché, à ce que cela pourra entraîner. Et plus le péché est grave, plus les conséquences peuvent être lourdes et fâcheuses. Et d'ailleurs, une petite parenthèse ici, c'est que comme on le voit à travers ces versets, et il y a encore beaucoup de versets qui vont dans ce sens, les péchés que l'on cause sont la cause de châtiments et de calamités qui nous touchent ici-bas, ce sont des punitions. Ce n'est pas à chaque fois qu'une personne est éprouvée ou touchée par une calamité qu'elle doit se dire « Ah, Allah, ça c'est une preuve qu'Allah m'aime. » Car Allah éprouve ceux qu'il aime. Allah éprouve ceux qu'il aime, certes. Mais on parle ici de ceux qu'il aime parmi les bienfaisants, parmi les pieux. Si la personne est loin de la piété, commet des péchés, etc., à ce moment-là, ce ne sera pas une épreuve car Allah l'aime. Ce sera plutôt une calamité qui le touchera à cause de son péché. Et subhanallah, combien de gens, quand ils parlent à des personnes, au lieu de les conseiller, quand ils viennent et qu'ils leur disent « Il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela », au lieu de leur dire « Réveille-toi, ce qui t'arrive, c'est à cause de tes péchés. C'est un rappel pour toi avant ta mort. Repends-toi à Allah, ces calamités s'en iront et améliore ta situation. Avance vers ton Seigneur. » Non, lui disent « Non, t'inquiète pas, c'est rien. Ça prouve qu'Allah t'aime. » Quelle que soit la situation de la personne, il se peut qu'elle ne prie même pas. Elle est plongée dans les péchés. Et les gens lui disent ça. Et la plupart des temps, les gens disent ça. La plupart du temps, les gens lui disent ça. Et ça, c'est une erreur. Une personne qui ne prie pas, qui est loin de l'obéissance à Allah, qui est plongée dans les péchés, comment on va lui dire ce qui t'arrive, c'est parce qu'Allah t'aime? C'est qu'une épreuve. Non, c'est des calamités. C'est des fléaux qui te touchent, car tu as commis des péchés. Tu veux t'en défaire. Tu veux que cela soit levé. Repends-toi à Allah et reviens vers lui. Par contre, si la personne, c'est une personne pieuse, et qu'alhamdoulilah, elle est loin de la désobéissance à Allah, alors oui, là, quand elle sera touchée par une épreuve, ce sera un signe qu'Allah l'aime, et ce sera aussi un moyen pour l'éprouver et pour la purifier de ses péchés. Que chacun analyse sa situation, que chacun se juge lui-même, chacun connaît sa situation comme personne ne la connaît, et qu'il voit, quand il est touché par ce châtiment, par cette calamité, quel est son état? Est-ce qu'il est dans la piété, ou bien est-ce qu'il est dans la désobéissance à Allah, dans la perversité? المشهد الخامس المشهد الخامس أيها المؤمنون مشهد الفوات أي أن يتأمل من أراد أن يقارف معصية أو يقع في خطية وذنب كم سيفوته من خيرات الدنيا والآخرة عندما يخشى ذلك من ذنب أو يقع في تلك الخطية. La cinquième mise en situation, croyant et croyante, de prendre conscience de ce à côté de quoi on risque de passer. C'est-à-dire que la personne qui a l'intention de désobéir à Allah ou de commettre une faute ou un péché, qu'elle médite sur toutes les bonnes choses à côté desquelles elle passerait ici-bas et dans l'au-delà, lorsqu'elle sera plongée dans ce péché ou dans cette erreur. Ensuite, serviteur et servant d'Allah, quel bien peut espérer celui qui va profiter d'un plaisir éphémère qui sera suivi d'un regret qui durera? Le désir va s'en aller, le plaisir va s'en aller, et il ne restera que le malheur. Quel bien donc peut être espéré dans de telles circonstances? Un péché dont le fardeau suivra la personne, alors que le délice disparaîtra et le plaisir s'en ira. Pense à cela quand tu as envie de commettre un péché, quand tu es poussé par ton âme à commettre un péché ou à désobéir à Allah. Ce péché peut te faire passer à côté de beaucoup de choses, ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas d'abord, mais encore plus dans l'au-delà. Car ce péché peut être la cause pour toi d'entrer en enfer. Ce péché ici-bas peut être la cause de quoi? De ta sortie de la religion. Lisez un peu dans les histoires des communautés passées, même dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous trouverez des récits de personnes qui étaient pieuses pendant des années, des décennies, puis qui ont commis un péché, qui en a entraîné un autre, jusqu'à ce qu'ils sont sortis de l'islam, jusqu'à ce qu'ils ont sorti de la religion et qu'ils ont apostasié et qu'ils sont morts mécréants. Le péché ne doit pas être sous-estimé, aussi petit soit-il, car les petits péchés ramènent aux grands péchés, et comme on a dit, les grands péchés peuvent t'amener à la mécréance, qu'Allah nous en préserve tous. Et donc, cela peut te faire passer ici-bas à côté de beaucoup de choses et dans l'au-delà. Cela peut t'emmener à entrer en enfer. Tout comme cela peut te faire te perdre des degrés au paradis. ces péchés que tu auras commis peuvent te faire passer à côté de degrés plus élevés que tu aurais pu gagner au paradis. Et subhanallah, le plaisir que tu vas prendre dans ce péché, quel que soit le péché, c'est un plaisir éphémère. Il va durer un certain temps. Et en général, si tu es musulman, derrière, et si tu as un minimum de foi derrière, tu as des regrets. Tu n'auras que des regrets derrière. Et à côté de quoi cela te fait passer ce plaisir éphémère? Il peut te faire passer à côté du plaisir éternel. Est-il raisonnable donc de prendre ce risque? De prendre le risque pour un plaisir qui est éphémère, qui va durer quelques instants et qui va s'en aller ne laissant place qu'au regret? De faire passer ce plaisir avant le plaisir éternel dans le paradis? Wallah, personne ne sait comment il va finir. Tu peux être aujourd'hui très bien et finir dans la pire des situations. Et comme on a dit, lisez les récits des anciens. Pas juste pour lire comme si c'était un conte ou un livre de chevet que je lis pour m'endormir. Non, lisez-le pour tirer des leçons, réfléchir et méditer dessus. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الواحد الأحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى عباد الله والمشهد السادس وهو مشهد عظيم ألا وهو مشهد قهر النفس وإرغام الشيطان. Serviteur et servant d'Allah, la sixième mise en situation, qui est une mise en situation très importante, ce n'est autre que de maîtriser son âme et refouler Satan. Il y a d'ailleurs dans cette maîtrise de l'âme et dans ce refoulement de Satan, un délice inégalé et un plaisir indescriptible. Et la personne, serviteur et servant d'Allah, est tiraillée entre deux appels, l'appel de l'âme qui ordonne vivement le mal et l'appel de Satan qui incite aux mauvaises choses et à la perversion. C'est pour cela que l'on dit dans la vocation A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki. Je cherche ta protection contre le mal de mon âme et contre le mal de Satan et le polythéisme, le shirk auquel il appelle. Ce sont deux mots, serviteur et servant d'Allah, qui entourent la personne. Donc, s'il est accordé à la personne de délaisser les péchés et de s'en écarter, elle maîtrisera ainsi son âme, qui ordonne vivement le mal, et elle refoulera l'ennemi d'Allah, l'ennemi des croyants, Satan le lapidé, qu'Allah nous préserve tous de lui. On doit lutter contre notre âme, on doit lutter contre ses penchants vers le désir et les passions. On doit aussi résister à l'appel de Satan, on doit résister à ces deux appels, l'appel de notre âme, qui nous pousse très fortement à commettre des mauvaises choses, à aller vers les passions, et l'appel de Shaitan, l'appel de Satan. Et certes, cela n'est pas une chose facile. De lutter contre son âme, c'est une chose difficile qui demande beaucoup d'efforts. C'est pour cela que cela a été appelé djihad ou nefs. C'est pour cela que cela a été appelé un djihad, lutter contre son âme. On doit lutter contre notre âme. Notre âme, à la base, comme Allah dit dans le Coran, elle est très incitatrice à quoi? Vers le mal. Ce n'est pas parce qu'on est musulman que ça y est, notre âme aussi, elle va aller vers ce qui est bien. Non, ton âme à la base t'incite et te pousse vers le mal. Moins tu fais de bien, mieux elle se porte. Plus tu vas vers le mal, mieux elle se porte. Tu dois donc lutter contre ton âme. Et cela peut prendre du temps et des efforts. Il faut être endurant et ne pas lâcher. Ne pas lâcher prise et persévérer. Il est rapporté d'un salaf qui a dit: j'ai lutté contre mon âme pendant 20 ans. Pendant 20 ans. J'ai lutté contre mon âme pendant 20 ans. pour lui imposer la prière de nuit, Qiyamul Layl, la prière de nuit. Puis, je m'en suis délecté pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il a lutté contre son âme pour la dompter, pour l'amener à faire Qiyamul Layl, la prière de nuit. Puis, pendant 20 ans, il s'en est délecté. C'est-à-dire, après, pendant 20 ans, son âme, elle a été domptée. Et après, pendant 20 ans, il en a pris, il prenait du plaisir. Ça devenait un plaisir pour lui de faire cette prière, car il avait enfin réussi à dompter son âme. Et c'est ce que l'on doit tous faire. Comme disent les savants, notamment Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, l'âme, c'est comme un cheval. C'est toi qui dois la dompter. Tu dois la dompter. Et tu dois la tenir avec les rênes, comme on tient un cheval. Et c'est toi qui dois la guider. Avec les rênes, à droite, à gauche, ou l'arrêter. Ce n'est pas elle qui doit te guider et te tirer vers la droite ou la gauche ou t'arrêter quand elle veut. Te tirer à droite ou à gauche vers les plaisirs et les passions et t'arrêter quand tu as l'intention de faire des bonnes choses et des bonnes œuvres. Non, c'est toi qui dois dompter ton âme. Tu dois la dompter, faire des efforts et ensuite la serrer et la tirer avec des rênes. Elle ne doit pas, elle, te guider, c'est toi qui dois la guider. Ça peut prendre du temps, oui. Ça peut être difficile, oui. Mais la récompense n'en sera que plus grande. La récompense n'en sera que plus grande. Ne serait-ce qu'ici-bas, la plus grande de tes récompenses sera que comme celui qu'on a cité, tu prendras du plaisir et tu te délecteras des bonnes actions et tu t'écarteras, bi'inillahi ta'ala, des mauvaises actions et des péchés. Hada wa sallu wa sallimu ra'akum Allah ala Muhammadin ibn Abdillah kama amarakum Allah bidhalika fi kitabihi faqal inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اقسم لنا من خشيتنا ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشاد. اللهم ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت العلام الغيوب. اللهم أت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.